بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم يصلنا اليوم الدين أما بعد. طبعا من اليوم إن شاء الله سندخل في هذا الكتاب مباشرة. نمونتخ ديريكتومون دون الكتاب أخر المقدمة كنا في هيير. فكما قلت لكم نحاول ونسبيغ pouvoir prendre إن شاء الله un درس étalé sur deux cours. Un ni deux jours. C'est ce qu'on espère. S'il y a besoin après d'élargir, on élargira. Si on voit que c'est trop, ça va trop vite ou que voilà. Bikod el-haja. Tamam. Ad-dersu el-awwalu. Bi-unwan il-es-souq. Il-es-souq. Es-souq ma'rouf, c'est le lieu de commerce. قال الكلمات الجديدة. طيب أولا هنا لو فيرب أعد يعد معنى préparé. لا معنى préparé في هذا. Élaborer. Là dans le texte il veut dire أعد يعد. يعني quand on met un mot là dans le truc on ramène pas tous les sens sinon ça va chawesh. Là, on prend le sens qui est menacé par rapport au texte. Qui est plus proche. Qui est en rapport au texte. Arrangé. Non, là, c'est préparé. Misère, ça, c'est une radio. Nous, écrit à côté. Radio. Version arabe. Misère. Jaourab, chaussette. والجام جوارب هدية سي كادو هدية كادو بنطلون هذا مما عمد بلي البلوى سي لو بوطالون اي نو va changer par سراويل dans le texte on va dire سراويل car le pantalon en vrai c'est un vêtement qui est parmi les vêtements des kuffar dont on n'a pas besoin. حذاء معنى نعل chaussure. نعل c'est tout ce qui se chausse qui est en dessous des chevilles et tout ce qui est en dessous des chevilles s'appelle khouf. En vrai des chaussettes ça rentre dans le hukm du khouf. Ou demain tu mets des chaussures montantes elles prendront le hukm du khouf. Et à la base de khouf c'est des chaussettes faites en peau d'animal en cuir. قميص معروف قميص معروف اخ معروف لو فرير اخت معروف وساعه ليفل بار لا لا مونتر كار ساعه سا بيت لور يو كوم لا دي ا كوتي ا لا سي لوتي سا دير لا مونتر لا مونتر بورتو بوانيي او كو بورتو لا بوش او نا. طيب الحوار. Aujourd'hui, on va faire le hiwar. Chaque jour, j'en fais un avec vous. Et j'ai choisi un deuxième frère qui lit avec moi. Mais on va commencer avec toi. Anna, je vais prendre le texte de Mustapha. Et toi, tu vas prendre le texte de Hassan. Et je prends le texte du narrateur. Et on va traduire également en même temps les phrases. El hiwar. Donc là, en narration, on dit « Mustapha wa Hassanun yuridani an yazhaba lissouq li shira'i ba'd ma yuridanihi wa huma yasta'idani lizzahab. » Donc Mustapha et Hassan veulent yuridani, ces deux, aller au souq li shira, c'est acheter. Qura sharaba, c'est le masdar. C'est un masdar de shari, de shara yashri, afwan. Shara yashri. Aujourd'hui, on l'emploie par ishtara yashtari, qui veut dire acheter. Pour l'achat de certaines choses qu'ils veulent. Donc ils se préparent pour s'y rendre. Yaqulu Mustafa. Hadha huwa al-waqtu al-munasib lil-dhahab ila al-souq ya Hassan. Donc il dit là c'est le temps adéquat, munasib qui convient, adéquat pour aller au souq au Hassan. Tafaddal. Innani antadhiruka mundu sa'a.

Tafkiratan ou tafkiratun sadiqi. Tafkira, c'était quoi tafkira qui nous rappelle? Un billet. Sadiqi, c'est mon ami. Andak. Sa'ashtari. Tafkiratan. Naam. Uqtamaha. La. C'est le même verbe que tout à l'heure. Uqaddimuha. Uqtadimuha. Adiyatan. Bisadiqi. La. Al-med fil ya. Lissa fil alif. لصديقي لصديقي طيب لصديقي لصديقي نعم تمام هذا مفهوم. التدريب الثالث يقول املا الفراغات في الجمل الاتيه باختيار الكلمات المناسبه مما يلي. Donc là il veut qu'on mette dans les trous les mots qui correspondent. C'est un trou. شغل ال مراوح سكيوريتا ها non ça ah c'est le carnaval qu'on coupe طيب comme je devais encore tourner là-bas je me disais طيب بصوا يا ديولي الحمد لله. Donc là on doit mettre le mot qui correspond à l'emplacement qui lui revient. Akadimat ghalia qui veut dire cher, c'est au féminin. Kathira wasi'a. Rakhisun, c'est le contraire de ghalia, rakhis. Jamila, sari'a, rapide. Akhi, tous ces mots-là, ma'rouf. Taïb. La jumla l'oula, el khubzu, fi hazi, el biqala. Que le khubz est dans, on va dire, cet épicier. Chez cet épicier. Maïa kelimat mounasiba, on a tu peux le mettre rakhis. Non. C'est ça qui convient. Car rakhis, car khoubz, c'est le muzakkar et le mufrad. Donc là, parmi ces mots-là, celui qui revient, c'est un muzakkar mufrad, ça va être rakhis. C'est un khabar. Et le khoubz, mubtada, rakhis, khabar. Et non pas sifa. C'est pas un sifa. C'est un khabar. El hafilatu fi hadhihi ou fi hadha shari'a. Les bus sont dans cette rue. Sali'atun, naam, rapide. El ghuraf, jam ghurfa, qui est une chambre. Fi hadha el bayt. Dans cette maison. Kassir. Jamil. Les chambres sont dans cette maison. Il y a mieux. Il y a mieux. Le marna est le sawab. Mais il y a mieux. Parce que les autres phrases, tu mets ce mot-là, là, les autres phrases vont te coincer. Là. Ah, ah t'as vu, ok. Wa-siatun. Wa-siatun. Les chambres sont grandes, sont vastes. Il y a plus de mots que de. Ouais. Non, ça. El ahdiyatu fi hadha al-souq. Les chaussures dans ce souq. Jamilatun. Tu peux dire Jamilatun. Tu peux dire également. Rayalatun. Hein? Ghaliya. Ghaliyatun. C'est ça qu'ils veulent. El fanadiqu. Fi hadhi al-madina. Les hôtels sont dans cette ville. Jamilatun. Là, Jamilatun, il revient mieux. Donc, c'est lequel qu'on n'a pas utilisé? Kathira et Akhi. Ça en plus. Kathira, on aurait pu le mettre également dans Al-Ahdiya fi hadha al-souq. Et le fanadiq fi hadhi al-madina. Kathalik, on aurait pu le mettre là. Ça aurait été correct également. Taïeb. Akhi, ouais, il n'a pas sa place. C'est un plus. At-tadrib arabia. Celui-là, il sera pour demain, inshallah. Yaqul, ajib an asilatil taliya. Et tu réponds aux questions suivantes. T'as un gros texte? La yalzam. Le texte t'aide, mais ce n'est pas forcément lié au texte. On va lire ensemble les asilah.

J'ai dit urti, c'est akhi. J'ai dit urti. Je crois que j'ai dit urti. Ah, c'est khata, afwan. So, quand tu dis moula, hadiya li akhi l'asra, afwan. Mon petit frère. Mon plus petit frère. Non. Ah, khalas. Donc là, la fidèle n'a pas besoin. Je crois que j'avais dit urti. En fait, c'est akhi. C'est moi qui ai mal lu. Qal, na'am, wajattu al-khiza'a al-munasib. Oui, j'ai trouvé les bonnes chaussures. Chaussures adéquates. Ch'taraytuha bi 50 riyalan. Je les ai achetées. Je les ai payées, on va dire. Là, là-bas, je les ai achetées, mais on va dire que je les ai payées. 50 riyals. Sa achetari al-sarawil ou al-kamisa min al-souq. Je vais acheter le sarawil et le kamis au souq. Et pareil, la fidèle, je donne souvent. Sirwel, c'est pas un mot arabe. Le vrai mot, c'est sarawil. Et même Sarawil, ce n'est pas un mot arabe, c'est un mot perse. Faire ici. Mais cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'employait. Dans les hadiths, il est venu Sarawil. Et ma Sirawil, ça, c'est un mot darija. Ce n'est pas un mot fasha. Sarawil. Sarawil. Et tu dis Sarawilou. Et pas de tanwil. Car il est mamnoum et nasarf. Comme Masajid, Masabih. Non. قال أريد حقيبتي قبل السفر. Je prépare ma valise avant le voyage. Ou la dernière. أضع فيها كل ما أريد. J'y pose tout ce que je veux. Et là, ma, c'est معنى الذي. كأنك تقول أضع فيها كل الذي. Là, ma, c'est un ism mawsoul. Kullu ma uriduhu. Et le ha, il revient à qui? Uriduhu. Ça revient à quoi, hu? Il est mazal, j'ai le ha, le zamir. Il revient à l'ladhi. Ism mawsoul, il a besoin d'un aïd. Un demi qui revient à lui. Là, c'est celui-là. Ah, donc, tu dis Man el Man al-rajul al-ladhi akramtahu. Qui est l'homme que tu as honoré? Le hu, il revient à qui? Al-ladhi. La base, c'est que l'ism mawsoul, à la fin, il y a un demi qui revient à lui. Des fois, il l'a enlevé, ça arrive, des fois. Vous allez voir, dans certaines jumelles, il l'a enlevé. Mais la base, c'est qu'il y a un aïd. Et s'il l'a enlevé, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il est là, mais il est mukaddar. Voilà, il est mukaddar. Mais c'est obligé, il y a un aïd, une phrase stylée. Après al-ladhi, il y a toujours une phrase qui vient derrière. Et un aïd qui vient à al-ladhi. Ou al-lati, ou al-ladhina, ou... ça dépend du mot. Autre exercice à faire à la maison. Yakul. Attends. Atadrib al-sadis. Yakul. Istamil kulla kalimatin min kalimat taliya fi jumlatin mufida. Là, les mots, tu les emploies dans une phrase mufida, qui a un sens. Al-qamis, mundu, tambi, mundu, mundu, on l'emploie que pour un temps défini. Le mot qui vient derrière mundu, c'est un mot de temps, et il vient avec un temps défini. Par exemple, tu dis, intazartuka mundu sa'atayn. Je t'attends depuis 2 heures. La taqul intaratuka mundu waqtin tawilin. La. Car waqtin tawil, depuis un bon moment, c'est un temps qui est indéfini. Mundu, tu viens d'ailleurs avec un temps défini. Un temps qui est connu. Un temps connu. Un jour, une heure, un mois, un temps défini. Adaché, t'as vu une tabala. Tu peux dire mundu, tu peux dire mudh. Mundu, ou tu peux dire mudh. Antazruka mundh sa'atayn. Ou antazruka

Non. Toi, tu cherches des mots précis, tu les as avec toi. Mais le meilleur chose, c'est le hifz. Tu arrives à les mettre dans ta tête, inshallah, et tu les utilises après, plus besoin de lexique. Tu dois réviser dans un livre gros comme ça, des fois, c'est genre si tu fais un moutassar dans un petit cahier, c'est plus facile pour revenir. Mafou mahala? Taïf, faïla huna? Walhamdulillah.